Ce matin déjà, la journée avait mal commencé. Le réveil, comme à son habitude, avait oublié de sonner. Debout à 9h, le café me saute dessus. T-shirt taché, chaussettes trouées. Je me dis, c'est un mauvais début. Arrivé au boulot, j'enferme les clés dans ma caisse. Deuxième café vite avalé. Oh là, il faut que je décompresse. J'allume une clope. Pas de bol, elle était à l'envers. Je vide mes poches, trouve le paquet. Manque de peau, c'était la dernière. Midi arrive, portière forcée. Je repartais tranquille chez moi, essayant tant bien que mal de conserver mon sang-froid. Quand tout à coup, mon Dieu, surprise, comme si tout le monde était de mèche. Il faut, c'est évident, que je tombe en panne sèche. Par hasard, et pas une blonde à crier. J'ai ricane à la station et le retour bien essoufflé. Je repars enfin, mais il est déjà 3h. Et en arrivant à la bourre, j'avais passé un sale quart d'heure. Mais un de plus ou un de moins, aujourd'hui je suis plus à ça près. Et c'est en roulant un peu vite que je me suis fait flasher. Et là les flics de mauvais poil me demandent mes papiers. Je fouille mon sac, vide mes poches, bien sûr je les ai oubliés. Là je commence à saturer, cette journée elle me saoule. Comme il est déjà 17h, je décide de rentrer chez moi. Mais en arrivant au malheur, je cherche des clés mais je les ai pas. Je les ai laissés au bureau, il faut que je fasse un choix alors. Je fracasse un carreau pour pas dormir dehors. Une fois la fenêtre bouchée avec un carton de pack de bière, je m'entaille les pieds avec les morceaux de verre. Je file me coucher en espérant y voir plus clair. Mais mon voisin du dessus fait une java du tonnerre. Je me dis demain ça ira mieux, une nouvelle journée. Le lendemain si c'est pas monsieur, mon réveil a oublié à sonner.